J'écorche un vif de face B pour choquer. On représente ce qu'on a marre de raquer. Les casqués. Que les âmes sensibles s'abstiennent. J'ai pas ma langue dans ma poche, plutôt pendue. Salivante, d'idées malsaines. Bourgeois outré, bonne morale bafouée. Les MC vendus prendront nos rimes comme des coups de fouet. Tout le camp, si t'attends de nous un conte de fées, la vie je vais pas étoffer. Alors qu'elle cherche à m'étouffer, j'ai tout fait pour m'en sortir sauf trahir le hip hop. Ma mère, mes potes, ceux qui nous escortent. On prône les fruits défendus, boissons, fumées, femmes, sexe. Bref, ce qui nous rend détendus. J'ai rendu mon tablier des colliers pour m'allier à la FF, d'autres fous alliés. Allez, cessons de plaisanter, on vient pour me présenter. Foutre des déculottés aux calamités, les saboter en plein pendant leur show. Banalité, fêter ça en after show. Enika, je vis pour rap et faire la Java. FF, ça t'es maintenant, tu nous connais. Une chère se pose comme une bombe dans le RER, revendique FF. La famille sur les nerfs, peu plus terre. Le hip hop tient la route et nous avec. On représente pas une grève, on est des crèves. Certains voient y faire effort, nous on fait. Mon frère, on fournit des faits. Nique que les hommes pas faits avec des rimes venant du fond. Des sujets provocateurs, tout prêt pour les parler quartier. Je suis le footer, bordel. Dans le système mal barré, pour le rap je mise gros. En faisant moins de bénéfices comme Alboro. FF pénètre en France comme dans une tune. On se mouille, ça pour tout, mec. Joue pas mi-tune, si ça te saoule. 27, appelez. Sois pas distrait, cesse de râler. Écoute-moi parler, j'ai la gueule d'un poulet. Vous n'avez pas le droit de garder le silence. On offense le FN, Hama Loulou et la musique de France. Inspiré par la vie, j'pète comme tout le monde pète, y'a pas de problème. Ah, laisse-moi faire ce que j'aime. Profite du sang, n'est pas la haine. La limousine d'un bad boy n'était pas la mienne. Trop chien. Pour les maisons de disques, j'aurais vu plein de chiens dedans et dessus. Surtout dans les rues de mon quartier, j'aurais voulu que ça tourne. Si t'as des questions à te poser sur ma section, dis-toi toujours qu'il y a une solution à ton imagination. J'arrive dans ta tête comme un film de science-fiction. T'amènes les frissons comme quand la FF déploie sa diction. Rap avec la rage, mon gars, et le style marseillais qui cause des dégâts. 94, tu nous connais pas. 97, ne nous juge pas. On n'a pas attendu après vous pour faire parler de nous. Aujourd'hui les critiques viennent des jaloux. Bref, on est plein de sous, la vérité est autre. Et la galère me montre qu'il est plus vite fait de descendre que de monter. Alors la famille avance petit à petit, n'hésite pas, prends le mic. Dans les hip-hop parties, pour entamer les premières minutes d'un film d'horreur. Calmer la terreur, comme dans le quartier de notre secteur. Un panneau technique de tueur, la fin le mic. Pour te faire sentir que rien ne sert de mentir. Et si Marseille est une ville oubliée, le temps a fait tout. Aujourd'hui tu nous connais. Je ne sais pas si notre heure a sonné, mais dès que le réveil va se déclencher, sache que des têtes seront tranchées. RF Marseille, maintenant tu nous connais. J'attaque qu'on flé à bloc, mieux que le rock et son époque. On n'est pas autant d'habitude. Mike, business, best, tout le monde à terre où il y aura des taches au plafond. Dans le fond, on est des bons gars qui font des chansons. Ne nous prends pas pour des fouteurs de merde ou on le deviendra vite. FF incite à la révolte, excite plus que les saints vols. Pas à pas, chaque pierre petit à petit. Enlève la passe, on montre à l'âme son. J'ai saisi ça avec un son de fort du collet. Les années ne changent rien à faire, les mêmes affaires pendant des mois. Et alors quoi? Alors au bout des doigts, on ira jusqu'au bout. Attends, ça c'est une vendetta. On n'étouffe pas le rap comme une affaire d'état. Tu nous connais, on est sur ta la simple. Mais tu nous connais, ancré dans la réalité. La FF, tu connais. On insulte à la simple pitié, mais tu nous connais. Ancré dans la réalité. La FF, tu connais. On insulte à la simple pitié, mais tu nous connais. Ancré dans la réalité. La FF, tu connais. On insulte à la simple pitié, mais tu nous connais. Ancré dans la réalité. La FF, tu connais. La FF, la FF, la FF. Tu connais, tu connais, tu connais. La section nique tout, nique tout, FF de Mars, FF de Mars.